Alexandre Dumas, mon dictionnaire de cuisine, lettre B. Blanc manger, suivant l'ancienne recette. On voit dans les lettres de Madame de Maintenon que Fagon ordonnait cet aliment dans les cas d'affection ou de disposition inflammatoire. Piler 125 grammes d'amandes mondées en y joignant un peu d'eau pour empêcher la séparation d'huile. Ajoutez-y 1 litre de consommé fait sans légumes et complètement dégraissé. À la place des légumes, on met, dans le pot où se fait le consommé, 2 clous de girofle, un bâton de cannelle et un peu de sel. Quand le bouillon est bien mêlé avec les amandes, on y ajoute 60 g de blanc de volaille rôti, haché et pilé, après qu'on aura ôté la peau, les tendons et les os. Au lieu de volaille, on peut se servir de veau rôti. On peut aussi ajouter gros comme un œuf de mie de pain mollet, ce qui rendra le blanc manger plus épais. Le tout bien mêlé, on étamine en tordant et on renverse ce qui a passé sur le marc en tordant encore pour en extraire tout ce qui peut en être extrait. On verse ce qui a passé dans un poêlon en y ajoutant le jus d'une orange et 125 g de sucre. On met le poêlon sur un feu vif, on remue d'abord pour que le blanc mangé s'épaississe et on le laisse un peu reposer. Ensuite, on le remue de temps en temps avec une cuillère. Il est cuit quand il est pris.